allure sur le périphérique de Pékin, Jichuang parade au volant de sa nouvelle Porsche Carrera. 400 chevaux sous le capot, un petit caprice de 240 000 francs qu'il s'est offert avec la fortune de papa et maman. Ce jeune Chinois de 25 ans est le président du club de voitures de sport de la capitale. Je suis fasciné par les voitures de sport. J'adore ces sensations quand on reste collé au siège. J'aime ces accélérations et le bruit est magique. Ça montre que c'est une voiture puissante et j'aime la puissance. Vous savez, je m'appelle Jichuang. En chinois, ça veut dire se sentir bien. C'est ça. Je suis quelqu'un qui se sent bien. Jichuang est le fils d'un richissime homme d'affaires qui a fait fortune dans la métallurgie. Les Chinois appellent ces enfants de milliardaires les Fuardai, les riches de la seconde génération. Ce que j'aime dans la vie, c'est profiter. Ici, c'est seulement mon appartement de loisirs. Je viens pour regarder des films, jouer à des jeux vidéo avec mes copains, mais j'habite toujours chez mes parents. Prix de l'appartement, 600 000 francs. Les écrans, les portes, tout coulisse comme dans un vaisseau spatial. Jichuang vit dans une Chine où tout s'achète, où l'argent permet de régler même les plus petits tracas du quotidien. Je déteste faire la queue. Il y a toujours une file monstre devant la salle de jeux vidéo. J'ai acheté la machine et je l'ai mise chez moi. Au grand dam de sa famille, Jichuang n'a pas du tout l'âme d'un entrepreneur. Lui préfère jouer les collectionneurs de baskets en série limitée. Chaque paire de chaussures est liée à un objet. Je les collectionne ensemble. Là, ce sont des chaussures créées à partir d'une marque de bière. J'ai acheté les bières qui vont avec. Celles-là sont inspirées d'une toile d'un grand peintre. J'ai donc acheté les baskets et j'ai demandé à un peintre ici de me faire une copie du tableau. Les chaussures, c'est comme les voitures de sport. Ce qui compte, c'est l'apparence. En Chine, Jichuang n'a rien d'une exception. Le pays compte aujourd'hui 250 milliardaires, 2,7 millions de millionnaires et autant d'enfants rois. Le paradis de ces Fuardai, c'est Shanghai. Le nouveau temple de la consommation et du luxe chinois et ses banlieues huppées. Des quartiers tout droit sortis de séries américaines. C'est ici que vit Fei Fei, fille d'un homme d'affaires magnat de l'industrie laitière. Elle habite seule dans ce palace de 400 mètres carrés. À 26 ans, Fei Fei a déjà changé 6 fois de voiture. Elle achète des villas et des appartements qu'elle s'amuse à redécorer. Voilà ma chambre. Avant, c'était une salle de bain, mais je ne l'aimais pas. Comme je vis seule ici, j'ai préféré en faire une grande chambre. Et là, j'en ai fait ma salle d'eau. Comme ça, lorsque je prends mon bain, je peux regarder par la fenêtre. Son père lui a confié 7,5 millions de francs pour qu'elle cesse à faire des investissements en Chine. Fei Fei a d'abord lancé sa propre ligne de vêtements. Cette pièce est dédiée à mes créations. C'est ici que je design mes vêtements. Vous voyez, là c'est mon logo, Fei Fei. J'avais un magasin, un site internet, j'ai développé plein de choses. Mais maintenant j'ai besoin de me reposer. Je ne veux plus faire de mode pour le moment. Depuis, Fei Fei passe la plupart de ses journées chez elle, de déjeuner en cocktail, avec ses amis Fuardai. Cet appareil photo est magique. On peut se prendre en photo et ensuite la retoucher pour s'embellir. Regardez, mon visage est plus éclairé, ma peau devient parfaite. Je parais plus grande. Elle est narcissique. C'est clair. Sissi possède plein d'apparts qui coûtent des millions. Miu Miu aussi, elle a des millions. Mes parents, pareil. Ils ont acheté 3 appartements et une maison à Shanghai. Ils sont millionnaires. La famille de Tina est encore plus riche. Son père a une entreprise de mouchoirs en papier. Elle, c'est une fouardaï de chez Fouardaï. Nos parents ont construit leur fortune grâce à l'ouverture économique chinoise à partir des années 80. Ils ont travaillé fort pour gagner de l'argent, parce qu'ils avaient été très pauvres. Alors ils espèrent que nous, leurs enfants, puissions mener une vie meilleure. La réalité a dépassé leurs espérances. Un fossé sépare aujourd'hui ses parents de leurs enfants, plus à l'aise pour dépenser que pour reprendre les rênes de l'entreprise familiale. Une génération déconnectée de la réalité, dans une Chine où 130 millions de personnes vivent avec moins d'un franc par jour. Pour inculquer à sa fille trop gâtée les valeurs du travail, le père de Feifei lui a offert un institut de beauté. Feifei joue les patronnes. Les seules clientes du spa ce jour-là sont ses amies, pour qui le spa est gratuit. Moi, ce que j'aime, c'est prendre soin de mon visage et de mon corps. Lorsque je suis arrivée à Shanghai il y a 5 ans, j'allais très souvent au spa avec mes amis. Une année, j'ai dépensé 100 000 dollars. Oui, 100 000 dollars. C'est beaucoup d'argent. Du coup, j'ai décidé d'acheter mon propre spa. Pour moi, mes amis et pour faire fortune. Ses filles et fils d'eux exaspèrent en Chine. Chaque semaine apporte son lot de faits divers impliquant des fouardailles. Courses de voitures, parfois mortelles, photos choquantes. Les scandales impliquant des jeunes riches s'enchaînent, provoquant la colère de l'opinion publique. Certains disent même que ces jeunes pourraient devenir un problème pour le pays. L'affaire la plus célèbre, celle d'un fouardaï de 22 ans qui, après avoir percuté à mort une jeune fille avec sa voiture de luxe, s'était écrié « Bonne chance pour me poursuivre, mon père s'appelle Li Gang ». Son père étant un riche privilégié, directeur adjoint de la police de la ville, il se pensait protégé. La phrase est devenue un symbole dans toute la Chine. Vous ne pouvez pas renverser des gens, tuer comme ça une jeune adolescente dans la fleur de l'âge et vous en sortir grâce à votre père. Peut-être qu'avant, en mentionnant le nom de son père, les choses auraient pu s'arranger. Mais là, il va payer pour ce qu'il a fait et entraîner son père dans sa perte. Le garçon est condamné à 6 ans de prison. Son père, humilié en direct sur la CCTV, la télévision d'État. De riches parents, dépassés, qui n'ont souvent d'autre solution que d'exiler leurs héritiers. 4 millionnaires chinois sur 5 disent vouloir envoyer leurs enfants étudier à l'étranger. C'est le choix qu'ont fait les parents de Wang Wei. Ce jeune homme de 18 ans étudie depuis 2 ans en Suisse, à Lausanne. Plus tard, je veux reprendre l'entreprise de mes parents. Ils fabriquent des éclairages qui consomment très peu d'énergie. Et vu les problèmes de pollution que nous connaissons aujourd'hui en Chine, notamment dans les grandes villes, c'est une industrie d'avenir. Donc je me prépare à ça, au futur. Et je dois par exemple apprendre à jouer au golf. Car de plus en plus de gens en Chine jouent au golf. C'est indispensable pour pouvoir faire des affaires. La Suisse est devenue en quelques années l'une des destinations préférées de cette élite. Les Chinois s'arrachent les places dans les pensionnats helvétiques haut de gamme. Chaque année, une trentaine d'enfants sont triés sur le volet, comme Wang Wei, qui ne rentre en Chine que pour les vacances. J'adore faire des pâtes, surtout des carbonara. J'en fais tout le temps. Et la fondue, tu sais la faire ? Je sais comment en faire, oui, mais j'en ai encore jamais fait, parce qu'ici, c'est pas évident de trouver du fromage et du vin blanc. Mon fils m'a raconté qu'il s'est fait plein d'amis en Suisse à l'école parce qu'il cuisine des petits plats pour tout le monde le soir. Et ses amis en raffolent. Monsieur Wang dépense 70 000 francs par an pour que son fils soit scolarisé à l'école internationale Briand-Mont de Lausanne. Il a vu son fils revenir transformé par l'expérience et a donc décidé d'envoyer aussi sa fille cadette en Suisse. Quand j'avais leur âge, après l'école, nous devions travailler dur dans les champs et dans la montagne. Nos vies sont tellement différentes. J'avais peur que mes enfants deviennent comme les autres fouardaï. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai choisi d'envoyer mes enfants en Suisse. Parce qu'il y a très peu d'élèves chinois qui étudient là-bas. alors qu'il y a de plus en plus de foires d'ail qui sont envoyées aux États-Unis, au Canada ou en Australie. Et je trouve que ces écoles font beaucoup plus attention au comportement des élèves. Malgré la discipline plus stricte, Wang Wei est tombé amoureux de la Suisse, du lac Léman, des pistes de ski et des parties de baby-foot. Il a aussi pris conscience de la responsabilité sur ses épaules. Comme mes parents ont réussi, ça me donne envie de réussir, comme eux, pour ne pas les décevoir. C'est bien d'être entouré de mes camarades en Suisse, parce que eux aussi, ils travaillent dur pour prouver qu'ils peuvent faire encore mieux que leurs parents. Mon plus grand rêve, c'est de gagner 6 milliards de dollars et faire partie du classement Forbes pour que mes parents soient fiers. Cette année, sa dernière en Suisse sera décisive. Wang Wei retourne à Lausanne. Il pense déjà au dossier d'inscription qu'il devra remplir pour intégrer l'une des universités les plus prestigieuses au monde. À 1000 km de là, à Pékin, Ji Shuang, lui, ne quitterait la Chine pour rien au monde. Ce soir, il fête en grande pompe le 3e anniversaire de son club de voitures de sport. Pour être membre, il faut une voiture de 90 000 francs. Et on ne recrute que des jeunes nés dans les années 80 ou 90. Le club compte déjà près de 300 membres. Ce soir, on va vous montrer comment nous, les jeunes Chinois, on est en train de réaliser notre rêve. Les autres doivent apprendre de nous. Le thème de la soirée, c'est le modèle de Pékin. Nous allons montrer la voie. Ivresse de luxe au programme ce soir. Lamborghini Chrome, Mustang Rose, Camaro, Ferrari, c'est à qui aura la plus belle, la plus chère. Sous le regard médusé des Pékinois. Maman, j'en veux une blanche. Plus tard, j'achèterai une voiture à ma fille. Mais une normale. Tout ça, c'est trop prétentieux. Ce sont des trucs de foire d'ail. La fête continue dans la nuit de Pékin. Débauche de richesses osées dans une Chine toujours communiste. Dans leur bulle, les foires d'ail continuent de jouer les petits empereurs. Détestés, jalousés, ils savent aussi qu'ils font rêver. Une Chinoise sur deux veut épouser un foire d'ail.